comprendre la Chine par son histoire. Bonjour et bienvenue à la 9e émission de Prendre la Chine par son histoire. Carl Derry au microphone et je suis très heureux de vous accueillir sur nos ondes en ce lendemain d'Halloween. Ce matin, ça va être une émission particulière parce qu'on a des petits problèmes techniques qui nous empêchent de faire l'émission comme à l'habitude. Nous avons choisi le thème du feu pour encadrer le propos de notre émission. Et nous serions supposés poursuivre aujourd'hui avec la lecture des cinq éléments, une lecture qui nous est proposée par le classique des documents. Après le feu, on nous dit que c'est le bois qui vient en troisième. Donc, le thème de la journée serait supposé être le bois, mais puisque les problèmes techniques m'empêchent de pouvoir utiliser de la musique aujourd'hui, je vais laisser ce thème du bois de côté pour la journée et on va poursuivre uniquement avec la matière du cours. Pour parler du bois, j'aurais aimé, par exemple, parler de l'architecture traditionnelle de la Chine impériale, mais sans la dimension visuelle, ça manque d'intérêt. Et c'est un peu la même chose pour la question de la sonorité musicale qui va nous manquer. De toute façon, quand on veut parler du bois, quand on parle de la forêt, de la nature, de l'environnement, régulièrement, ce sont des thèmes qui se font damer le pion dans l'actualité, alors que il y a des sujets plus chauds qui apparaissent régulièrement, et c'est un peu ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, notre thématique se fait damer le pion par des technologies qui ne sont pas à jour. Parlant de damer le pion à l'environnement, parlant de sujets plus chauds dans l'actualité, je peux pas m'empêcher de passer sous silence l'importante rencontre à laquelle on vient tout juste d'être convié cette semaine. Le monde entier a porté attention à la rencontre entre Donald Trump et Xi Jinping, qui se sont rencontrés en marge du sommet de l'APEC, une rencontre qui a eu lieu à Gyeongju, en Corée du Sud. Selon ce qu'on a appris dans les médias, la rencontre aura permis d'en arriver à une trêve et à une désescalade de la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. On dit que la Chine aurait reculé sur sa menace concernant les restrictions à l'égard des terres rares, et les États-Unis auraient reculé sur les plus récents tarifs de 10% qu'ils auraient voulu imposer à la Chine. Les questions liées au fentanyl et à la guerre en Ukraine, ce sont des questions qui auraient aussi été abordées lors de l'entretien entre Trump et Xi Jinping, mais selon tous les comptes rendus qu'on a trouvés au sujet de la rencontre, rien n'aurait été dit à propos du sort de Taïwan. Et il y a une prochaine rencontre qui serait prévue entre les deux leaders, alors que le président américain devrait se rendre en Chine l'année prochaine, en avril 2026. Il y a de nombreux observateurs qui ont commenté la situation, et plusieurs parlaient de la victoire de la Chine parce qu'elle a réussi à faire reculer Trump sur des tarifs de 10%. Mais ça me semble une interprétation un peu trop rapide. Une interprétation qui témoigne même d'une certaine myopie à l'égard de la situation. C'est certain qu'on peut y voir une victoire, puisque c'est grâce à la résistance de la Chine et grâce à la menace de restrictions en matière d'approvisionnement pour les terres rares. Les terres rares, rappelez-vous, ce sont des métaux critiques qui sont essentiels à la production de pratiquement tous les appareils électroniques que nous utilisons. Donc, c'est grâce à la menace de restrictions sur ces métaux que les États-Unis ont reculé sur les règles tarifaires qu'ils voulaient imposer à la Chine. D'ailleurs, quand on écoute les spécialistes de la Chine, Xi Jinping se servirait justement de cette victoire contre les États-Unis dans la négociation pour renforcer sa légitimité à l'intérieur du Parti communiste. N'oublions pas que même si le Parti communiste chinois présente une apparence d'unité de façade, De profondes divisions existent tout de même à l'intérieur du parti. D'ailleurs, on apprenait récemment que le Parti communiste avait limogé 9 hauts gradés de ses rangs, incluant le numéro 2 des affaires militaires, soit le vice-président de la Commission militaire centrale. Certains disent qu'il s'agit de la purge la plus importante à laquelle on a pu assister depuis l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping en 2012. Dans ce contexte de lutte intestine et de rivalité à l'intérieur des offices du Parti communiste chinois, cette apparente victoire de la Chine face aux Américains dans une négociation vient contribuer effectivement à renforcer la légitimité de Xi Jinping, puisque ce dernier a utilisé la menace des terres rares et il a fait reculer les États-Unis sur leurs tarifs. Par contre, et nous sommes ici aux premières loges pour en être les témoins privilégiés, et ce depuis de nombreux mois, on sait que Trump est souvent erratique. On sait qu'il saupoudre des tarifs un peu partout de manière excessive et qu'il recule régulièrement sans qu'on sache vraiment pourquoi. Si on ajoute à ça l'idée que Trump est un gambler, M. Casino, et que les négociations commerciales entre les deux pays viennent à peine de commencer, l'augmentation ou la diminution des tarifs de 10 % était en soi très peu significative. En revanche, par contre, en utilisant la menace des terres rares pour faire pression sur les États-Unis comme elle a fait, la Chine vient de mettre sur la table une partie importante de son jeu. Pour ne pas dire, la Chine vient peut-être de révéler son atout ultime en dévoilant l'as caché qu'elle avait dans son jeu. On peut aussi faire une analogie de cette rencontre en imaginant un combat au corps à corps. Si on prend par exemple le taekwondo, on doit apprendre très tôt que les coups de pied que nous donnons à l'adversaire ne doivent pas toujours servir à frapper de manière décisive. Les coups de pied servent surtout à forcer l'adversaire à bouger, à lui faire ouvrir son jeu et à le rendre ainsi plus vulnérable face à un coup décisif qui pourrait ensuite venir. D'ailleurs, quand on prend la peine d'analyser en profondeur la rivalité entre la Chine et les États-Unis, on a l'impression que l'affrontement ultime concerne le contrôle des nouvelles technologies. D'une part, la Chine a le contrôle sur une importante part des ressources naturelles qui sont essentielles à la production de ces nouvelles technologies. Et en revanche, les Américains semblent avoir l'expertise pour la fabrication de puces électroniques ultra sophistiquées. Par exemple, les puces NVIDIA qui sont considérées par plusieurs comme les plus performantes actuellement sur le marché. En bref, les ressources naturelles de la Chine permettent aux Américains de développer des puces électroniques ultra-performantes et ceux-ci ne veulent pas partager l'expertise qui vient avec. Et même si les deux leaders n'ont pas encore parlé de Taïwan lors de leur rencontre, l'île va se retrouver à nouveau au cœur des discussions et ce très prochainement, puisque l'entreprise TSMC fabrique une part importante des puces électroniques les plus avancées qu'on retrouve dans le monde. Des puces qui peuvent s'avérer un atout considérable dans la guerre technologique que se livrent ces deux géants. Ce qui est particulier dans le traitement de la nouvelle au sujet de cette rencontre entre Trump et Xi Jinping, c'est qu'à première vue, dans les journaux chinois consultés, on ne faisait aucune mention de la menace sur la restriction des terres rares. Par exemple, dans le Global Times, qui est un journal qui reflète la position officielle du Parti communiste, On parle uniquement de la taxe fentanyl, une taxe de 10 % que Trump voulait imposer à la Chine, mais sur laquelle Trump a reculé. Mais aucun mot n'est dit dans cet article du Global Times sur les terres rares et sur la menace utilisée par Xi Jinping. Ailleurs, on fait état de discussions entre les deux dirigeants concernant la lutte contre l'immigration clandestine, les fraudes en télécommunications, la lutte contre le blanchiment d'argent, l'intelligence artificielle et la lutte contre les maladies infectieuses. Mais encore une fois, rien sur les terres rares. Tout ceci me fait penser que, malgré tout ce que peuvent en dire les observateurs occidentaux, si on reprend l'analogie du poker ou même celle d'un combat de taekwondo, on a l'impression que Trump semble avoir peut-être remporté cette manche de la grande négociation à venir entre la Chine et les États-Unis. Il l'aurait remporté en forçant son adversaire à sortir tout de suite sa main la plus forte dès le début de la conversation. Et tout ça pour obtenir une simple diminution de 10 % des tarifs et une trêve d'un an dans leur guerre commerciale. Les négociations entre la Chine et les États-Unis vont reprendre au printemps prochain. Mais lorsque les négociations vont reprendre, est-ce que la Chine aura à nouveau le loisir d'utiliser son joker dans les négociations? Est-ce que la Chine sera encore en mesure de faire pression en menaçant des restrictions sur l'utilisation des terres rares? C'est une situation qui reste à voir. Mais pour l'instant, comme je ne veux pas sombrer dans le piège des amateurs de pronostics futuristes et des gérants d'estrade sur l'avenir des relations entre la Chine, les États-Unis et le monde, je préfère me taire sur ce sujet. D'ailleurs, nous sommes ici dans un cours d'histoire. Et pour revenir à la base de notre propos, nous allons donc revenir à la matière du cours. En temps normal, je vous dirais que nous revenons aujourd'hui au thème qui est le bois et nous revenons à la musique. Mais comme expliqué précédemment au début de l'émission, des problèmes techniques m'empêchent d'utiliser les pièces musicales qui avaient été sélectionnées pour la journée. Alors, nous allons continuer comme si vous aviez entendu la prochaine chanson et nous allons reprendre tout de suite notre récit sur l'histoire de Chine à dos de tortue. Nous avons parlé la semaine dernière de l'unification impériale. À partir de la dynastie Qin en 221 avant notre ère, et nous avons aussi parlé de l'image du premier empereur de Chine qui était dorénavant plus grand que nature. Nous sommes maintenant rendus aujourd'hui au quatrième et dernier point du troisième chapitre de notre histoire, un point qui s'intitule « La systématisation du confucianisme et la cosmologie impériale sous les Han ». Nous avons parlé la semaine dernière de l'image négative de Qin Shi Huangdi à travers l'histoire. Cette image négative associée au premier empereur venait en partie de l'image véhiculée par les lettrés de la dynastie Han. Lettrés qui, comme nous le verrons, ont fait du confucianisme l'idéologie impériale par excellence. Nous devons par contre faire attention et ne pas exagérer le sentiment de rupture entre les deux dynasties. Une impression qui fut faussée par les représentations négatives de l'époque au sujet de la dynastie Qin et surtout au sujet du premier empereur. D'abord, la dynastie Han ne rejeta jamais complètement le légisme, même si elle adopta le confucianisme et surtout, il ne faut pas perdre de vue le fait que les premiers empereurs de la dynastie Han étaient davantage intéressés par l'exercice du pouvoir que par les vertus de la morale confucéenne. Par exemple, commençons par Liu Bang, le fondateur de la dynastie Han, qui prit le nom de Han Gaozu. Liu Bang est connu, nous dit Han Cheng, pour avoir uriné dans la coiffe de cérémonie d'un des lettrés de la cour. De manière générale, la dynastie Han est divisée en deux vastes parties. D'abord, on a les Han antérieurs de 206 avant notre ère jusqu'à l'an 9 de notre ère. Puis, on retrouve la dynastie des Han postérieurs de l'an 25 jusqu'à 220. On nomme parfois les deux parties de la dynastie Han en fonction de la position géographique de leur capitale. On retrouve les Han occidentaux au début de la période, dont la capitale était dans la ville de Chang'an, et les Han orientaux pour finir la période, dont la capitale était Luoyang. Entre les deux portions de cette dynastie, on retrouve l'intermède de Wang Mang, qui tenta d'établir la dynastie Xin entre 9 et 23 de notre ère. Il s'agit d'une période qui est souvent décrite dans l'historiographie comme étant l'usurpation de Wang Mang. Si on revient à la dynastie Han et à sa relation avec la dynastie Qin, l'impression de rupture entre les deux dynasties était notamment nourrie par le sentiment de rancune vécu par les lettrés confucéens à l'égard du courant légiste, et surtout de l'oppression dont ils firent les frais sous la dynastie précédente. Mais malgré cette forte impression de rupture qu'on tente d'instaurer, il y a plusieurs éléments qui suggèrent d'importantes continuités historiques entre les deux dynasties. La principale continuité est d'abord la perpétuation d'un appareil politique autocratique, un appareil qui est centré autour de la personne de l'empereur. Cet appareil d'État s'appuie sur une structure bureaucratique qui est de plus en plus sophistiquée et qui met en valeur la méritocratie. La morale confucéenne va certes parvenir à s'imposer comme l'idéologie dominante, mais c'est un processus qui se déroula tardivement dans la dynastie. D'ailleurs, l'idéologie dominante des premières années de la dynastie Han, c'est une idéologie qui s'apparentait à un courant de pensée qu'on appelle Huanglao, qui est un hybride entre le légisme et le taoïsme. Par ailleurs, la distinction entre le légisme et le confucianisme, c'est une distinction qui n'est pas si évidente non plus à prononcer catégoriquement. Puisque d'une part, malgré la froideur et la rigueur du légisme sur le plan théorique, on sait maintenant que dans les faits, au niveau de l'application de la loi, la dynastie Qin agissait parfois en s'appuyant sur des nuances morales importantes. D'autre part, et c'est peut-être là l'essentiel à retenir, les Han ne rejetèrent jamais complètement le légisme, dont l'idéologie continua à être présente au cœur de la philosophie politique impériale. C'est pour illustrer ce phénomène que l'historien chinois Qinghui parle alors d'un confucianisme d'apparence et d'un légisme de substance, ce qu'il nomme Zhu Biao Fa Li, pour décrire la philosophie politique de l'époque de la dynastie Han partagée entre confucianisme et légisme. Mis à part l'idéologie, parmi les tensions politiques qui caractérisent l'histoire de la dynastie Han, on note la recherche d'un équilibre des forces, un équilibre à trouver entre d'abord l'empereur et la famille impériale, ensuite les eunuques qui s'occupent de la famille impériale et finalement les lettrés qui gagnèrent en importance avec le temps. Il y a une trame politique qui est régulièrement soulignée par les historiens, qui consistait en la prise de contrôle du palais impérial par la famille de l'impératrice, qui s'arrangeait ensuite pour placer des empereurs enfants sur le trône, ce qui leur permettait d'exercer un contrôle politique total sur le pays à partir de la fonction de régence. La dynastie Han est notamment reconnue pour des intrigues de palais qui étaient récurrentes. Et ces intrigues ont ultimement mené à la désaffectation de l'espace public par de nombreux lettrés. Des lettrés qui se sentaient désabusés face aux inconduites et à l'immoralité des comportements autour du trône. La dynastie Han est aussi reconnue comme une importante période d'expansion politique, tant vers le nord que vers le sud. C'est à cette époque que s'intensifièrent les relations diplomatiques avec les populations limitrophes autour d'un système d'échange connu sous le terme de « système du tribut ». On le voit, par exemple, dans la relation avec les Xiongnu, à partir du traité de 198 avant notre ère, relation sur laquelle nous reviendrons prochainement. Au cœur des tensions fondamentales de la dynastie Han, on trouve la controverse opposant Han Gaozu, le premier empereur, et Lu Jia, à savoir trouver un équilibre entre l'utilisation de la force militaire et l'éducation morale. On retrouve à ce sujet un passage célèbre dans les mémoires historiques de Sima Qian, allant comme suit. Lu Jia n'arrêtait pas de parler des classiques à l'empereur Gao. Agacé, celui-ci demanda « J'ai conquis l'empire à cheval. Quel besoin ai-je de ces classiques ?» Lu Jia répondit « C'est à cheval qu'on le conquiert, mais est-ce à cheval qu'on le gouverne ?» Les rois Tang et Wu ont certes pris le pouvoir de haute lutte, mais c'est par l'harmonie qu'ils l'ont conservé. Savoir manier à la fois les armes et la culture, voilà l'art de durer. Je vais laisser la question en suspense pour ici, et c'est le moment où on devrait se tourner vers notre prochaine pièce musicale pour prendre le temps de réfléchir à cette réponse donnée par Lu Jia à l'empereur Han Gaozu. Comme je vous ai dit précédemment, des problèmes techniques nous empêchent de faire jouer cette pièce musicale. Alors, nous allons continuer tout de suite. Nous allons nous tourner, si le temps nous le permet. Alors, nous le faisons. Nous allons du côté d'une pub. Évidemment, ce n'est pas comme la musique pour ce qui est de la réflexion, mais on se reprendra du côté musical dès la semaine prochaine. Donc, je vous reviens après cette brève petite pause publicitaire.